Ricky the Free, entre les pierres et au-delà roche du drone des millénaires. Oh, oh, oh. Et les hommes passent, et les hommes passent, détruisent le paysage, cassent la pierre et ne laissent pour après que des restes. Il reste calciné. Des tonnes de déchets, de la poussière, de la vie. Ainsi la vie est fausse. C'est mon foutu humain. On est l'amant. On est l'amant afin. Préserver la terre, faut-il éliminer l'humain ou bien continuer jusqu'à plus rien? Oh oh oh oh, oh, oh. Jusqu'à plus rien. Que les nations prennent une décision jusqu'à la mort, jusqu'à plus rien.